Audiomatique. nous avions droit pour débuter cette transmission 319 d'Audiomatique à la musique de l'artiste norvégienne Anne Brun, plus particulièrement à la pièce titre d'un de ses plus récents albums, soit After the Great Storm, qui est sorti au même moment que son album How Beauty Holds the Hand of Sorrow, dont la signature est dépouillée et l'instrumentation majoritairement acoustique. Certains sons naturels se retrouvent en voie d'extinction parce que les entités qui les portent en elles sont également en voie d'extinction. Les sonoristes font notamment référence ici aux oiseaux qui, dans le cas où la race s'éteint, les sons qu'ils émettent se perdent également dans la nuit des temps. Un collectif d'artistes du Mexique et d'Amérique centrale a décidé de créer des pièces à partir des chants d'oiseaux en voie d'extinction de cette région, comme celui du Neil Bill Mott-Mott, qui se retrouve plus particulièrement au Nicaragua, au Honduras et au Costa Rica. Et c'est l'artiste nicaraguayenne Tamara Montenegro, en collaboration avec le projet Naoba, qui a eu la tâche d'immortaliser le chant de cet oiseau à travers des sonorités électroniques.

Audiomatique, cette séquence de deux pièces se concluait sur la musique du projet Puma and the Dolphin et sa composition Jungle Futura, qui apparaît sur l'album EP intitulé Primitive et publié en vinyle sur l'étiquette de disque montréalaise Chambre Noire. Avant Puma and the Dolphin, nous écoutions la pièce Momoto Carinado, composée par l'artiste Tamara Montenegro en collaboration avec le projet Naoba. Cette pièce met également à contribution le chant de l'oiseau Neil Build Motmot et se retrouve sur la compilation A Guide to the Bird Song of Mexico, Central America and the Caribbean, sur laquelle différents artistes de cette région du globe ont choisi le chant d'un oiseau en voie d'extinction pour l'intégrer à leur composition électronique. Projet d'un Français établi à Londres, voici à Audiomatique The Call Store. Speaks of me. My haunting is silent. Never mind whispers. And as it goes, never mind. Keep your voices down. Thank you. Brewing. The radio vibes with flying. Pour clore ce segment musical à Audiomatic, il s'agissait du groupe américain Animal Collective et la chanson Graze du mini-album Fall Be Kind, paru en 2009. Précédemment à Animal Collective, une autre formation américaine, cette fois du nom de Jobs, qui nous interprétait la pièce Striped Cotton Blanket, extraite de son troisième album Endless Birthdays, lancé en août de cette année. Et pour débuter, nous entendions The Call Store, le pseudonyme du français Simon Bertrand, et sa chanson Above and Beneath Your Feet, de son premier et unique album Save No One, sorti en 2014. Audiomatic se poursuit sur la collaboration entre les projets Muslim Gaz et Bass Communion. We'll be right back. à Audiomatic. Nous venons tout juste d'entendre une pièce du tout nouvel album de la formation Otaker, à savoir la pièce Marhide, apparaissant sur l'album Plus, qui se veut un complément plus rythmé à l'album plus ambiant Sign, paru en octobre dernier. Avant Otaker, c'était Bass Communion qui nous offrait un remix d'une pièce de Muslim Gods, le projet de Feu Bryn Johns. Nous entendions donc la pièce tout simplement intitulée One, composée en 1996 par Bass Communion et apparaissant sur l'album intitulé BCVSMG CD, acronyme qui signifie, vous l'aurez peut-être remarqué, tout simplement Bass Communion versus Muslim Gods Compact Disc. Nous mettrons un terme à cette transmission 319 d'Audiomatic avec le duo américain Serration Pulse qui nous vient de la ville de Détroit et qui nous offrira la chanson Stockholm, tirée de son mini-album homonyme paru en 2018 seulement en format vinyle sur étiquette Third Man Records. La prochaine transmission d'Audiomatic, soit la transmission 320, devrait se dérouler comme prévu le mercredi 16 décembre prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, il est toujours possible d'accéder à nos anciennes transmissions en consultant notamment nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici Serration Pulse et la chanson Stockholm. C'était Audiomatic avec les sonoristes.